Aujourd'hui, nous abordons un passage bien connu dans l'Ancien Testament, peut-être un des passages les plus douloureux, les plus tristes. C'est le passage où nous voyons un homme selon le cœur de Dieu tomber ou marcher, entrer dans le péché. Et le roi David était un grand roi. Il est retenu dans la parole comme un homme après le cœur de Dieu. Et on est choqué, on est époustouflé de voir ce grand homme de Dieu tomber aussi bas que nous allons le voir. Encore une fois, l'Ancien Testament, il est là pour notre instruction. Il est là pour nous rappeler des leçons importantes. Il est dit, par exemple, que les aventures du peuple d'Israël, lorsqu'ils ont séjourné dans le désert par incrédulité, ne sont pas entrés en terre promise comme le Seigneur le voulait tout de suite. Et il est dit dans 1 Corinthiens 10, 11, que tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Et il est ajouté, ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous allons parler du péché de David. Et encore une fois, vous allez, si c'est la première fois que vous découvrez ce passage, cette histoire, vous allez peut-être être choqué, surpris, et penser que David était vraiment un grand pécheur. Disons qu'il a eu le triste privilège de voir son péché raconté en détail dans la parole de Dieu, pour les siècles et les siècles à venir, les siècles passés et les siècles à venir, si tant est que le Seigneur ne retourne pas rapidement. Je pense que chacun de nous, on a commis des choses, des péchés. On est même peut-être en ce moment dans des choses qu'on sait ne pas être selon Dieu. Et quelque part, on pense que on est content de ne pas être à la place de David avec tout notre péché raconté, exposé au grand jour. On va voir que si on peut cacher notre péché des hommes, il faut se rappeler que Dieu voit tout, que Dieu n'est pas pris par surprise, il voit ce que nous faisons. Et ce qui est malheureux, c'est que bien souvent, on a plus peur d'être découvert par les hommes que découvert par Dieu. Dieu nous voit, Dieu sait tout, on ne peut rien lui cacher, c'est un thème qui est répété dans toute la Bible, et pourtant, on est plus gêné de savoir que quelqu'un d'autre, un autre être humain, sait ce qu'on fait ou ce qu'on a fait, que d'être repentant devant Dieu. C'est notre vieille nature qui est ainsi faite. On a plus de soucis de notre réputation que de notre intégrité devant Dieu. Et ça, c'est une chose que nous allons voir dans cet épisode de la vie de David. Encore une fois, le Seigneur nous parle à travers sa parole. Nous allons parler du péché de David, mais peut-être que le Seigneur veut me parler de mon péché, veut vous parler de votre péché, et ne nous contentons pas de pointer le doigt vers David en disant « Oh là là, quelle catastrophe !» Saint-Esprit veut montrer notre péché du doigt, au moins pour nous repentir et demander son aide pour vivre comme Dieu le souhaite. On va lire ensemble cet épisode bien connu. Vous vous souvenez que David était arrivé au fait de sa gloire, il remportait des victoires sur tous les ennemis. Ça faisait longtemps en fait qu'il tout lui réussissait. Nous avons noté la semaine dernière dans le chapitre 10 qu'en fait il avait commencé à envoyer ses adjoints mener la guerre sans toutefois se déplacer lui-même. À un moment, contre les Syriens, Dieu l'avait renvoyé pour aller sur place et mobiliser les troupes et remporter la victoire. Et ça, c'était déjà presque comme un petit avertissement qu'il devait être là où il devait être. Et c'est vrai que si on s'occupe de faire ce que Dieu veut, si on est là à faire la volonté de Dieu, on va être moins vulnérable aux tentations envoyées par Satan. Il y a un proverbe français qui dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est vrai que quand on a du temps, on dispose de temps libre, on peut des fois mal utiliser ce temps pour des choses égoïstes et des fois des choses de péché. On va lire et commenter au fur et à mesure cette fois, si vous le voulez. Je lis dans la version à la colombe, chapitre 11 de 2 Samuel, page 322. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. David envoie ses troupes pour vraiment conquérir les Ammonites. La ville dont il est question ici, Rabba, c'est pas Rabba au Maroc, pour ceux qui connaîtraient, c'est la ville qui s'appelle maintenant Amman. Amman, sans doute en relation avec la population de l'époque, les Ammonites, qui résistaient et qui se battaient contre contre les Juifs. Il envoie donc, à l'époque où les rois se mettaient en campagne, on ne combattait pas en plein hiver à cause du mauvais temps, du froid, ce n'était pas confortable, on attendait le printemps. En Europe, si vous revoyez votre histoire, les révolutions, ça se passait plutôt, à part la révolution d'octobre, en Russie, les révolutions se passaient davantage lorsqu'il faisait beau, lorsqu'il faisait chaud, lorsque les jours étaient longs. C'est pour ça que il y avait en fait, le 14 juillet, c'était une période où on faisait la révolte. Là, c'était au printemps que les rois se mettaient, mais il est dit, mais David resta à Jérusalem. Encore une fois, il était pas là où il aurait dû être. Il se prélassait, il était sans doute heureux de savourer un peu son succès. Et il est dit, un soir, verset 2, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David se prélasse, il se repose. Et un soir, on ne sait pas exactement si c'était après l'heure de la sieste ou si c'était plus dans fin d'après-midi, mais toujours est-il qu'il se lève et il se promène sur le toit de sa maison royale. Si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous pouvez voir ce qu'on appelle la cité de David avec le palais du roi David. Et c'est vrai qu'on a pu, avec Nancy, y passer. Et on voit que c'est au flanc d'une colline, donc de l'autre côté, on voit toute une autre partie de la ville. Et on se disait, bon, ça devait être par ici que David a vu cette jolie femme qui se baignait toute nue et qui était très belle. David, dans son oisiveté, est tenté. Il y a une tentation. On va juste rapidement regarder ce que la Bible nous dit sur la tentation dans Jacques 1, à partir du verset 12. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui endure la tentation ou l'épreuve, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Jacques emploie deux images de nature différente. Le premier, verset 14, c'est des termes de chasse et de pêche. Si vous avez des... Si parmi nous, il y a des gens qui aiment la pêche à la ligne ou à la traîne ou attraper des poissons, j'allais dire, si parmi nous, il y a des pêcheurs, mais nous savons qu'il y a des pêcheurs avec un accent circonflexe, il y a au moins moi. Là, il est question de gens qui mettent des appâts sur un hameçon. Et cette convoitise, ce désir pour quelque chose qui n'est pas bon ou qui peut être au départ quelque chose de bon, va nous attirer et nous tromper. La séduire, c'est que le poisson, lorsqu'il voit ce morceau de fromage qui flotte entre deux eaux et qui lui passe sous le nez, il a sa convoitise, son désir de manger quelque chose de bon qui est excité, ça l'attire et il est trompé. Il va gober le morceau de fromage et avant que le pêcheur ne ferre son hameçon, il va se dire « Chouette, j'ai trouvé un bon truc, c'est bien bon, merci Seigneur peut-être. » Et là, il va être rappelé à la réalité lorsqu'il va sentir cette piqûre intense dans son gosier qui va lui rappeler qu'il a fait une terrible erreur. L'autre terme, c'est un terme de, on dirait, de grossesse ou de conception. La convoitise, c'est notre aptitude à désirer quelque chose qui peut être au départ quelque chose de bon, mais qui souvent est quelque chose de mauvais. C'est un mauvais désir. Dans ce cas, elle trouve l'objet de la tentation et ensemble, il y a une conception qui se passe et ça prend du temps. Il y a les 9 mois de la gestation pour un enfant humain. De la même façon, lorsque le désir illicite trouve la tentation et l'accepte, il y a comme une conception et il va se passer un certain temps, mais à coup sûr, le péché va arriver. Et ce qui est terrible, c'est que le péché parvenu à son terme va engendrer la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, nous disait Paul dans Romains. Il faut bien comprendre que lorsque David voit cette femme séduisante et nue, ce n'est pas un péché. C'est le pasteur Nick de Ziegen qui plaisante un peu sur ce sujet, qui disait que le premier regard n'est pas un péché. On vit dans une société où de toutes parts, on est bombardé d'images, de messages appelant à une sexualité pécheresse. Et Nick dit que le premier regard, c'est pas grave, c'est ok. Il a dit, c'est même pour ça que profitez-en bien la première fois. Il plaisante, bien sûr. Mais il dit, c'est le deuxième regard. Et puis, c'est l'idée qu'on ressasse et qu'on commence à réfléchir à comment pécher, qui est vraiment le péché. C'était Luther qui disait qu'on ne pouvait pas empêcher les hirondelles de voler au-dessus de notre tête, mais qu'on pouvait les empêcher d'y faire leur nid. De la même façon, vous allez vous promener sur la promenade des Anglais, vous allez voir des femmes à moitié nues, détournez les yeux. On peut aussi, bien que ce ne soit pas du tout la direction du texte, on peut se demander est-ce que Bathsheba n'était pas un peu coupable, ou du moins n'était pas un peu imprudente? Est-ce qu'elle ne portait pas une part de responsabilité? Il n'est pas question de justifier tout ce que David va faire par la suite, mais il est question de mettre en garde les personnes qui peuvent, par leurs vêtements, par leur tenue, susciter une convoitise malsaine. C'est quelque chose que vous pouvez vérifier en demandant, pas auprès d'un homme, si votre tenue est trop sexy ou pas, mais demandez-le auprès d'une sœur en Christ qui vous dira carrément « Non, ça, c'est pas comme il faut ». On ne sait pas trop, le texte ne nous le dit pas, donc tout ce qu'on peut faire, c'est se livrer à des conjectures, de dire que peut-être elle se sentait seule. On va voir. David envoya prendre des informations sur cette femme, c'est verset 3. On lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, femme d'Uri le Hittite. Première chose, il rencontre la tentation. Et là, on voit que, en fait, il va commencer à pécher parce que, au lieu de fermer le rideau et de retourner, de se mettre au travail ou de faire autre chose, il va poursuivre la tentation. Il va envoyer ses hommes pour demander qui est cette femme. Et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, femme d'Uri le Hittite. Dans le chapitre 23 de 2 Samuel, on nous parle un peu en détail des vaillants hommes de David. Il nous a dit 37 personnes, 37 hommes qui étaient ce qu'on considérait des vaillants hommes à partir du verset 8 jusqu'au verset 39. Il est question de, verset 34, d'Eliam, le fils d'Ahitophel. Rappelez-vous de ça, parce que Ahitophel, on va voir, c'était un des conseillers favoris de David. Et on est surpris lorsque, dans la fin de sa vie, le fils de David, Absalom, se rebelle contre son père. Ahitophel va prendre parti pour Absalom. On comprend mal, sauf si on se rappelle qu'en fait, c'était lui le grand-père de Bathsheba. Ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on oublie de faire remarquer. Eliam, c'était donc le père de Bathsheba. C'était lui aussi un de ces hommes vaillants guerriers, verset 34. Et puis, elle était la femme d'Uri, le Hittite, verset 39. Tout ça, c'était des raisons. Le fait qu'ils connaissent la famille de Bathsheba, ça aurait dû l'arrêter tout de suite. Il aurait dit, oh, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas faire ça à Uri, un de mes meilleurs guerriers, vaillant guerrier. Je ne peux pas faire ça à Eliam, qui lui aussi travaille pour moi, qui se bat pour moi. Je ne peux pas faire ça pour ne pas froisser Ahitophel. Mais David a déjà commencé à commettre l'adultère dans son cœur. Vous vous souvenez de l'enseignement de Jésus qui reprenait les pharisiens qui se disaient « Mais nous, on n'a jamais tué personne, nous, on n'a jamais commis l'adultère. Peut-être on ne s'est jamais fait prendre en commettant l'adultère. » Mais Jésus leur disait « Il vous a été dit, tu ne commettras pas l'adultère, mais moi je vous dis que si vous regardez une femme avec convoitise, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. » Là, David a commencé à commettre l'adultère dans son cœur parce qu'il poursuit la tentation. Une mise en garde. N'utilisez jamais le fait que vous avez commis l'adultère dans votre cœur pour vous dire « Bon ben, j'ai déjà péché, autant aller jusqu'au bout et commettre l'adultère. » En réalité. Ou alors, Jésus disait aussi, si vous dites « raca », ça veut dire « espèce d'imbécile » à quelqu'un, c'est comme si vous l'aviez déjà tué. C'est comme, vous n'avez pas peut-être tué physiquement, mais dans votre cœur, vous avez exprimé le même sentiment. Et si vous étiez sûr de ne jamais être repris, peut-être que vous tueriez cet homme par haine. Et Jésus disait donc, c'est pas nécessairement le fait physique, mais même déjà dans votre cœur, il y a le péché. Donc l'adultère dans le cœur, c'est un péché. Le meurtre dans le cœur, c'est un péché. C'est encore une fois mieux d'en rester là. Si on est arrivé à ce genre de péché, c'est pas parce que je t'ai dit imbécile que maintenant je peux te tuer et que ça comptera pas plus. Non, il y a des degrés, mais vis-à-vis de la pureté, l'absence parfaite de péché que Dieu attend de nous, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, cette intention de faire du mal, cette intention de posséder une femme dans votre cœur, c'est aussi grave pour Dieu. La pureté absolue n'est plus là. Elle a été entachée. Le péché, le mot latin, veut dire une tache. C'est comme s'il y a un mur blanc que vous l'aspergiez de quelques gouttes d'encre ou que vous renversiez un seau de peinture noire. Le mur n'est plus blanc parfaitement. Et Dieu attend la perfection. On sait, on y reviendra, que c'est par la foi en son Fils qui a pris notre péché sur lui que nous pouvons retrouver cette pureté que Dieu attend de nous. David poursuit la tentation et au lieu de s'arrêter là, réalisant que c'est quelqu'un qu'il connaissait pas, mais dont il connaît toute la famille, il doit se dire qu'en fait, ça tombe bien, Uri est en combat, il n'est pas là, il ne va pas rentrer. Et verset 4, il envoie des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle se purifiait justement de son impureté. Elle retourna dans sa maison. Encore une fois, la Bible est très honnête. Elle n'ignore pas, elle ne met pas sous le tapis le péché des hommes dont elle parle. La plupart des récits religieux de grands hommes ont tendance à glorifier, à ne dire que du bien des grands hommes de Dieu. Ici, on voit David s'enfoncer dans le péché. Il envoie des messagers pour la chercher. Et apparemment, c'est une attraction réciproque. Le terme qui est utilisé semble indiquer que Bathsheba n'a opposé aucune résistance. Peut-être que, on ne sait pas encore une fois, soit elle s'attendait peut-être à avoir des nouvelles de son mari par le roi, soit elle avait sa petite idée, soit toujours est-il qu'il commette l'adultère. Et il y a un petit détail qui est donné ici par l'Esprit Saint pour montrer qu'en fait, elle n'était pas enceinte. Elle venait d'avoir ses règles et elle, après les règles, une femme était impure pendant quelque temps. Et là, elle venait de se purifier de son impureté. Donc, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'était pas encore enceinte. Et lorsqu'il est dit au verset 5, cette femme devint enceinte et envoya dire à David, je suis enceinte, ça veut dire, nous avons fait un enfant ensemble. Il est difficile de savoir son état d'esprit. On peut penser que elle a peur, parce que selon la loi, l'adultère était puni de lapidation. Normalement, elle et David auraient dû être mis à mort par des jets de pierre, par lapidation. Elle lui envoie dire « Je suis enceinte » pour lui dire « Au secours, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un problème. » Alors David envoya dire à Joab, donc vous vous souvenez, c'était son chef militaire qui était en train d'assiéger la ville de Rabat, Amman, aujourd'hui. Et il demande à ce chef, à ce général, de lui envoyer Uri. « Envoie-moi Uri le Hittite. » Et Joab envoya Uri à David, verset 6. On sait que Uri, c'était un type un peu dur, c'était quelqu'un de très intelligent, qui avait déjà commis un meurtre en tuant Abner, qui avait lui-même tué Azaël, qui était un des frères de Joab. Et on peut imaginer qu'il doit se demander pour quelle raison David a-t-il besoin de voir Uri. Uri était un guerrier, mais apparemment il n'avait pas grand-chose que le roi pouvait désirer ou pouvait vouloir, si ce n'est sa femme, qui était connue comme étant une très belle femme. Et on peut penser que Joab est déjà sur le qui-vive, en train de se dire « qu'est-ce qui se passe ?» Verset 7, « Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. » David est en train de collectionner les péchés. Quand il laisse libre cours à la tentation, le péché est en train de se concevoir et de porter du fruit de péché. Non seulement il a commis l'adultère, mais maintenant il va jouer l'hypocrite, il va mentir. Uri lui aussi doit se demander ce que le roi lui veut. Et David prétend être intéressé d'avoir des nouvelles de vive voix. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Uri? Uri doit se le demander. Et David essaye de tchatcher avec Uri comme si de rien n'était. Alors comment ça se passe? Comment va Joab? Il fait comme si tout allait bien alors qu'en fait tout va très mal spirituellement pour lui. Et il se laisse entraîner sur cette pente glissante. Puis David, verset 8, dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son seigneur et il ne descendit pas dans sa maison. David a trouvé une idée pour cacher son péché avec Bathsheba. Il va faire en sorte que son mari couche avec elle et que l'on puisse dire, lorsqu'elle sera enceinte et que ce sera visible du moins, que c'est son mari qui l'a mise enceinte. Mais David est surpris parce que cet homme qui lui est tellement fidèle, qui se bat, qui n'est pas de la famille des Juifs, qui est un Hittite, un païen à la base, il a une moralité d'acier. C'est un homme essentiellement, foncièrement intègre. Et David essaye de l'envoyer passer la nuit chez sa femme, mais verset 10, on le rapporta. Verset 9, pardon. Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son seigneur et il ne descendit pas dans sa maison. On le rapporta à David en lui disant « Uri n'est pas descendu dans sa maison ». Alors David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David « L'arche ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des huttes. Mon seigneur Joab, les serviteurs, campent en rase campagne et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. » Uri se dit, tous mes copains, tous mes responsables sont en train de mener une vie très dure parce qu'ils sont en rase campagne pour le siège de cette ville de Rabat. Et il n'est pas question que par solidarité, pour lui, il n'est pas question qu'il profite d'une permission et qu'il aille trouver la douceur de sa maison, de faire l'amour avec sa femme. Aussi vrai que tu es vivant toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. Première tentative de David pour cacher son péché échoue. Et David continue, il persiste. Tout ça, c'est des occasions. Chaque obstacle, ça pourrait être une occasion pour David de se repentir, de confesser son péché et de ne pas aller à l'étape suivante. On voit là la grâce de Dieu qui offre des occasions de repentance. Dans le même passage, 1 Corinthiens, que nous avons lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 10, où Paul nous explique que les histoires de péchés de l'Ancien Testament ont été écrites pour nous avertir, pour nous enseigner. Toujours l'humilité devant la faiblesse de notre chair, que celui qui pense être debout, celui qui pense être fort, fasse attention, qu'il ne prenne garde de tomber. C'est souvent quand on se sent le plus fort qu'on est le plus vulnérable. Et il ajoute, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Ça, c'est un principe essentiel qui nous rappelle, et nous en parlons assez souvent, que lorsque nous sommes tentés, Dieu donne le remède en même temps. C'est un peu comme l'antidote du poison qui risque de nous affecter. L'antidote est disponible. Il nous donne une porte de sortie. Et là, tous ces problèmes, toutes ces résistances de Uri à faire ce que David veut, ça devrait lui rappeler en fait que Dieu, dans sa miséricorde, lui donne des portes de sortie. Mais pas du tout. Il continue, il persévère. Et verset 12, David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son Seigneur, mais il ne descendit pas dans sa maison. David se dit, il suffit que je le fasse boire un peu et j'aurai raison de ses principes et de sa moralité. Et c'est vrai que l'alcool est souvent la source de péché parce que l'alcool nous fait entrer dans un état second dans lequel on est moins conscient des dangers, des choses qui se passent. Mais même intoxiqué par l'alcool, il refuse d'aller voir sa femme. Deuxième échec de David pour mettre le péché, ou plutôt l'enfant, sous la responsabilité du mari de Bathsheba. Alors, après avoir menti, après avoir incité quelqu'un à une action qu'il refuse de faire, verset 14, au matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire d'Uri. Et encore une fois, on se dit, attendez, ça c'est David, le grand psalmiste, celui qui a écrit des poèmes, celui qui s'est battu contre Goliath parce qu'il était il était insulté de voir comment le géant bafouait le nom du Dieu vivant. Ce grand homme de Dieu, maintenant il va en essence commettre un meurtre. Il va envoyer Uri à sa mort, car il écrit dans la lettre, « Placez Uri à la pointe du combat le plus violent et retirez-vous en arrière de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Verset 16, « Joab, en observant la ville, plaça Uri à un endroit où il savait qu'il y avait des hommes vaillants. » Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Il en tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hittite mourut aussi. Joab envoya un rapport à David sur tout ce qui s'était passé dans le combat. Finalement, le péché grandit, le péché donne des fruits. On voit là une illustration d'un passage bien connu dans, dans Galates, Galates 6, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Le péché de David, son adultère, d'abord, le premier péché, ça a été de ne pas rejeter la tentation. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph qui était poursuivi par la femme de Potiphar, l'intendant chez qui il travaillait et qui cherchait à avoir des relations sexuelles avec lui. Il est dit que Joseph avait fui et cette femme l'avait dénoncé comme ayant voulu l'attaquer, et à cause de ça il avait passé des années en prison. Et je crois que la tentation qui avait assailli ainsi Joseph était beaucoup plus forte que la tentation qui avait interpellé David. Et pourtant David n'avait pas résisté. On parle des fois de tomber dans le péché, de tomber dans l'adultère, mais en fait c'est pas brutal, c'est pas du jour au lendemain que Satan peut nous dire tiens, si tu vas coucher avec cette femme, tu vas avoir un enfant qui va faire que tu vas vouloir cacher cette relation illicite, tu vas être conduit au meurtre. Et là, on voit qu'il n'est pas question seulement du meurtre de Uri, mais à cause de ce péché que David veut couvrir, d'autres hommes aussi vont mourir. Et en fait, c'est pas seulement lorsqu'il a vu cette femme qui se baignait de son balcon que David a été tenté, c'est depuis 20 ans. Depuis que David n'est pas tout jeune, là, il a déjà une cinquantaine d'années, il est au fait de sa gloire, mais nous avons vu qu'il n'avait aucune restreinte en ce qui concernait les relations avec les femmes. Il avait désobéi au commandement de Deutéronome 17:17. Il avait obéi dans ce passage de Deutéronome que nous avons déjà vu, 17, 15, 16, 17, il est dit que si les Juifs réclament un roi, qu'il leur donne un roi, qu'il leur donnerait un roi, mais que ce roi s'abstienne de multiplier les chevaux. Ça, David l'avait respecté, on l'a vu quelquefois, il avait mis à bas les chevaux qu'il capturait, il les avait supprimés. Parce que ça voulait dire se confier dans la force, dans les forces humaines et non pas dans la force de Dieu. Ça, il l'avait obéi. Il était dit aussi de ne pas multiplier l'or, la puissance, l'argent. Et ça, on sait que tous les trésors qu'il recueillait, il les gardait pour la construction du temple que Dieu lui avait dit serait l'œuvre de son fils. Et puis, il y avait un troisième commandement, qu'il ne multiplie pas les femmes. Et de peur qu'il ne s'éloigne de Dieu. Deutéronome 17:17. Et David a commencé à prendre plusieurs femmes, à prendre des concubines. Et c'est dans cette façon qu'il avait de multiplier les femmes que germe cette tendance qui donne jour. Il a semé dans la chair, il commence à moissonner dans la chair, la corruption. C'est une des caractéristiques de la convoitise sexuelle, de penser qu'on va être enfin satisfait. En fait, de satisfaire cette convoitise sexuelle, ça ne la satisfait pas, ça ne la calme pas, au contraire, ça la multiplie. David est un bon exemple. Son fils, Salomon, qui sera deuxième fils de Bathsheba, lui va accumuler jusqu'à 700 femmes et 300 concubines. Et David comme Salomon, nous disent que si on ne peut pas se contenter d'une femme, même 1000 femmes ne nous contenteront pas. C'est pas dans l'objet. Là, il est dit que c'était une très belle femme. On peut se dire, ah oui, les autres étaient moches et celle-là était belle. Non. C'est dans le désir de vouloir toujours davantage. Et là, David arrive au point où maintenant, son péché va conduire à la mort d'Uri et à la mort d'autres hommes. Joab, lorsque Uri était revenu avec cette lettre, il devait se dire, il doit y avoir quelque chose entre David et Bathsheba. Il n'était pas bête, c'était un homme rude, un guerrier violent et intelligent. Et là, on est choqué de voir qu'en fait David va utiliser la fidélité d'Uri pour l'amener à porter sa sentence de mort à Joab. On peut même se dire que si Uri n'avait pas été aussi digne de confiance, il aurait peut-être ouvert la lettre pour voir ce qu'il y avait et qu'il serait revenu couper la tête du roi David. Ça aurait été une réaction plausible. Et ça aurait mis fin à toute l'histoire de la Bible, au projet que Dieu avait d'avoir par David un fils, le fils de David, Jésus, qui allait sauver le monde. On voit donc là que David est victime de sa chair, de son péché, que Satan utilise ce péché, mais on est choqué de voir qu'en fait David va dire Uri c'est un type formidable, je peux lui faire confiance, je peux lui donner son arrêt de mort et je sais qu'il ne va pas l'ouvrir. Et on n'en revient pas, on se dit c'est pas possible, lui le grand homme selon le cœur de Dieu puisse en descendre à ce point-là. Joab donc envoie cet homme en première ligne, juste sous les remparts de la ville, ce qui était tout à fait imbécile, c'était aller à la mort sûre. Il donne un ordre à son messager pour prévenir le roi qu'ils ont subi une défaite et que Uri est bien mort. Verset 19, il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, si la fureur du roi s'élève et qu'il te dit « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu'on tire du haut de la muraille ? Qui a tué Abimélec, fils de Yerubesh-Béchet ? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin et n'en est-il pas mort à Thébets ? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille ? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. Joab, lorsqu'il a lu la lettre que Uri lui tendait, a dû être choqué lui aussi en disant, ah ben il est comme tous les autres, hein, notre grand roi, notre poète, notre psalmiste, cet grand homme de Dieu. Il a une mauvaise besogne à faire, il fait appel à moi. Mais on peut penser que Joab était heureux de faire rendre ce service entre guillemets au roi David parce qu'il avait ainsi un moyen de chantage sur le roi par la suite. De dire oui mais David si tu acceptes pas ce que je fais ou je peux rappeler ce qui s'est passé entre toi et Uri. Il dit au messager, Joab dit au messager, peut-être que le roi va s'énerver qu'on ait envoyé tant d'hommes mourir juste en dessous de la muraille, mais tu lui dis de toute façon que Uri est bien mort. Verset 22, le messager partit. À son arrivée, il fit un rapport à David sur tout ce pourquoi Joab l'avait envoyé. Le messager dit à David, ces hommes ont eu sur nous l'avantage, ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs. Il en tomba parmi les serviteurs du roi et ton serviteur Uri, le Hittite, est mort aussi. » David envoie le messager, verset 25, « Tu parleras ainsi à Joab, ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, fortifie-le. » Autrement dit, David est heureux d'apprendre que son péché est enfin couvert, que Uri est mort. Et il renvoie ce message à Joab qui est vraiment révoltant. Il continue l'hypocrisie pour que dans le message, avec le message, le discours par le messager, il y ait comme on n'évoque pas vraiment l'ordre qu'il avait envoyé à Joab. Il lui dit, oh, t'en fais pas, ça arrive, ça, à la guerre, il y en a qui meurent, il y en a qui meurent pas. Et puis, continue de bien te battre contre la ville, renverse-la. Et Joab avait rappelé un épisode du livre des Juges, chapitre 6, où une femme avait tué Abimélec en laissant tomber une meule de moulin du haut d'une muraille. Par là, Joab voulait dire au roi qu'il savait bien que c'était pas très intelligent d'aller se mettre juste en dessous des murailles de la ville qu'on assiégeait, mais qu'il l'avait fait pour être sûr que Uri allait être touché. Et David a très bien compris, il n'est pas en colère, au contraire, il dit « c'est pas grave, continuez le combat ». Verset 26, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle accomplit les rites funèbres sur son époux. On est aussi un peu choqué par la religiosité de Bathsheba. Elle suivait la religion à la lettre. Elle s'était purifiée rituellement de son impureté avant de coucher avec le roi. Là, elle accomplissait des rites funèbres sur son époux. On ne sait pas si elle était vraiment triste ou si elle était contente. Elle devait être rassurée parce qu'elle aurait pu être lapidée et maintenant voilà qu'elle allait être couronnée. Quand le deuil, verset 27, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. La moindre des choses. Succomber à la tentation, ne pas la rejeter. Violer 4 des 10 commandements. Ne pas respecter Dieu. Mentir. Tuer son prochain. Convoiter sa femme. Toutes ces choses que David a fait parce que dans son cœur, il n'était pas en relation avec Dieu. La première fois qu'on entend parler de Dieu dans tout ce passage, c'est le dernier mot. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. C'est comme si Dieu n'était plus réel pour David. Et peut-être que c'est votre expérience aussi, des fois vous tombez dans le péché, vous commettez des péchés, et le Seigneur peut vous secouer, vous ramener à l'ordre, et c'est comme si on choisit d'ignorer Dieu. On est tellement pris par notre désir, notre convoitise, par notre colère, par quoi que ce soit, qu'on se dit, j'ai le droit de faire ceci et que Dieu ne m'interrompt pas. David va jusqu'au bout de l'hypocrisie parce qu'on peut penser que c'est dans son entourage, on a trouvé qu'il avait recueilli la femme de son vaillant guerrier. Il l'avait ajoutée à son harem par pitié, parce qu'elle était maintenant sans mari et qu'il s'était dévoué pour la prendre comme femme chez lui. Et sans doute les gens disaient, c'est un roi vraiment soucieux de ses guerriers et de leur famille. Il pouvait encore prétendre jouer le beau rôle. Mais encore une fois, tout ça c'était pour les hommes. Dieu avait tout vu. Et ça lui avait déplu. Encore une fois, on n'en revient pas. On se dit, attends, c'est David, c'est celui qui a écrit l'Éternel est ton berger, c'est lui qui a écrit tous ces merveilleux psaumes. En fait, quelque part, je crois que cette histoire nous est rappelée, nous est indiquée par l'Esprit Saint, nous est racontée par l'Esprit Saint plutôt, pour nous montrer que le péché est quelque chose de très, très fort. Jésus nous disait de prier et de veiller, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous devons tous avoir un grand respect pour notre vulnérabilité. Ne pas croire que nous sommes forts. Ne pas croire parce que nous pouvons citer des passages de la Bible par cœur. Ne pas croire parce que nous venons à l'église tous les dimanches. Ne pas croire parce que nous sommes pasteurs, nous sommes missionnaires, nous sommes impliqués dans le service de Dieu, que nous sommes au-dessus de ça. C'est seulement par la grâce de Dieu. Je crois que David, c'était un grand homme de Dieu qui est tombé dans un grand péché pour nous montrer la grande grâce de Dieu. Et ça ne doit pas être une occasion de se moquer de David, mais une occasion pour chacun de nous de trembler et de prier Dieu et de veiller. Prions et veillons parce que donner les mêmes tentations, qui sait ce que nous aurions fait? Les applications, on voit que ne pas rester dans l'oisiveté, tout a commencé par la vue. Pour les hommes, la simulation sexuelle commence par la vue. D'où la pornographie et sa puissance, d'où les films, d'où les magazines, d'où les affiches pour faire vendre un camion. On va mettre une fille en bikini devant. Quel est le rapport entre le bikini et la mécanique? Non, c'est parce que l'homme a tendance à se décontracter ou à être intéressé, ne pas voir le camion et regarder que la jolie fille. Pour les femmes, on dit que c'est plutôt le toucher ou le réconfort, la conversation. C'est des dangers dont il faut être conscient. Notre vieille nature n'a pas changé depuis David. Prions et veillons. Ne nous laissons pas mettre dans des positions de vulnérabilité. La solution qui nous est racontée pour Joseph, la solution qu'il avait, c'était de fuir. Paul nous dit de fuir les tentations de la jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, on est à l'abri de ces tentations. Ce sont les tentations de la jeunesse qui peuvent nous poursuivre toute la vie. Et la solution, ce n'est pas d'essayer de raisonner avec la tentation, c'est de la fuir. Ne nous soumets pas à la tentation, disait Jésus dans la prière à ses disciples, dans Matthieu 6. Ce passage doit nous inspirer le plus grand respect pour la puissance de notre vieille nature. Encore une fois, si ça a pu arriver à David, à combien plus forte raison ça peut m'arriver? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense être plus spirituel que David? Quelqu'un qui pense avoir écrit des passages aussi glorieux, aussi spirituels que les psaumes? Qu'il se fasse connaître à la fin du culte. Vous aurez trouvé votre nouveau pasteur. C'est un avertissement sévère. Et Dieu veut parler à chacun de nous. Il sait ce qui se passe dans votre vie, vous le savez. C'est peut-être un réveil aujourd'hui pour dire attention, vous êtes sur la mauvaise voie. Ces choses que vous regardez à la télé, ces sites que vous visitez sur Internet, niet. Et encore une fois, plus on en fait, plus on veut voir. Paul disait qu'on devait être ignorant dans les choses du péché et au contraire connaisseur des choses qui plaisent à Dieu. On va voir la grande grâce de Dieu qui va mettre fin à ce péché de dissimulation. Pendant un an, David va, et on verra ça la semaine prochaine, pendant un an, David va cacher son péché, il va continuer à faire comme si tout allait bien. Et finalement, Dieu va envoyer le prophète Nathan qui va lui faire savoir que son péché est connu par Dieu et par les hommes. Et on peut penser qu'en fait, pendant ce temps, David avait obtenu ce qu'il voulait. Non, en fait, dans le psaume 32 et le psaume 51, il nous livre un peu quel était son état spirituel. Psaume 32, on va lire en rapidement. « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que me suis tu, pendant cette année-là, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » C'est pas vraiment juste, c'est pas lui qui a fait connaître son péché à Dieu, c'est Dieu qui, par l'intermédiaire de David, l'a forcé à reconnaître, à confesser, dire la même chose que Dieu sur le péché et la série de péchés qu'il a connu. On verra aussi la semaine prochaine le psaume 51, après que Dieu ait pardonné son péché. La bonne nouvelle, c'est que malgré cette descente aux enfers de David, malgré ce péché incroyable et ses péchés incroyables, David va être restauré, David va être pardonné par Dieu. Mais, parce qu'il y a un mais, les conséquences du péché demeurent. Si vous tuez quelqu'un, vous pouvez être peut-être pardonné par la famille, par Dieu même, mais la personne reste morte. Si vous commettez des péchés sexuels, les maladies vénériennes, l'adultère peut conduire à des enfants qui vont souffrir d'une famille non unie, les conséquences du péché demeurent. Et ça, encore une fois, ça doit être quelque chose qui nous empêche, qui nous rappelle, au moment où nous sommes tentés, que le péché ne vaut pas le coup. Satan est le maître du mensonge, c'est lui qui a inventé le mensonge, et il veut nous faire croire que si on peut avoir Bathsheba, alors tout sera merveilleux. En fait, on sait, mais il nous aveugle au moment de la tentation, si nous sommes loin de lui, qu'en fait, le péché va amener la mort spirituelle ou l'éloignement de Dieu et peut-être même la mort physique. Prenons un temps de prière et que le Seigneur puisse parler à chacun d'entre nous. Oui Seigneur, c'est terrible de voir ce grand homme, cet homme qui était plein d'amour et de zèle pour toi, tombé si bas dans le péché. Seigneur, nous te remercions parce que tu l'as relevé, tu l'as pardonné. Mais les conséquences du péché ont été avec lui pour le reste de sa vie. Et surtout, cet épisode a donné à tes adversaires de quoi alimenter les critiques contre les croyants, contre ceux qui veulent te servir, Seigneur. Nous voyons encore aujourd'hui des responsables, des grands hommes de Dieu tombés dans le péché, souvent le péché sexuel ou le péché d'argent. de vol. Et Seigneur, ça donne aux non-croyants l'occasion de te médire, de dire du mal de ceux qui te proclament, Seigneur. Et Seigneur, nous venons devant toi humblement pour te dire que nous réalisons que ces choses ont été écrites pour nous instruire et que cette tentation qui semble si cousue de fil blanc, si grosse, nous sommes capables nous aussi d'y succomber. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, de ta force. Aide-nous à rester toujours proche de toi, Seigneur, à te garder dans nos pensées, de faire que nos pensées soient des pensées selon ta volonté, Seigneur, des pensées de pureté, de joie, de gentillesse, tout ce qui est beau, tout ce qui est pur, tout ce qui est adorable, tout ce qui est digne de louange, Seigneur, et non pas des choses qui viennent du diable, Seigneur. Et nous savons que nous vivons dans un monde où nous sommes bombardés par l'ennemi qui veut nous détourner de toi, Seigneur. Aide-nous à nous revêtir de la cuirasse du chrétien, Seigneur, du croyant, du bouclier de la foi, du casque du salut, de la ceinture de la vérité, Seigneur, de la cuirasse de la justice, des chaussures qui donnent aux pieds les bonnes dispositions de l'Évangile, Seigneur, l'épée de ta parole. Seigneur, tu vois toutes ces armes que nous avons étudiées récemment. Nous en avons tellement besoin, Seigneur. Seigneur, ne permets pas que l'hypocrisie ait jour dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, si nous devons nous aider les uns les autres, je prie que nous puissions nous prendre comme répondants, comme vis-à-vis. Je te remets tous ceux qui ont des problèmes avec la pornographie, Seigneur. Nous savons que c'est un mal endémique dans notre société, Seigneur, qui fait vendre, qui conduit à des tas de maux, Seigneur. Te remettons tout ce qui est ce trafic de prostitution, Seigneur, qui va avec. Et Seigneur, fais que tes enfants soient au-dessus de tout soupçon, Seigneur. Merci de nous relever lorsque nous tombons. Merci de nous garder près de toi. Seigneur, sois notre force. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.